Ils écrivent et en plus ils causent. Présenté par K00. Bonjour, aujourd'hui l'émission « Ils écrivent et en plus ils causent » vous présente Joste Vincent. Bonjour Vincent, vous allez nous présenter votre nouveau recueil de nouvelles « Pour qui cherche des histoires ». Pouvez-vous nous en parler ? Aujourd'hui je comprends tout à fait le sens de cette phrase dite par un de mes artistes favoris, Georges Engelmann. On écrit bien mieux qu'on ne dit, on ose tout ce que la voix bannit. Je suis face à ce micro et je vais essayer de vous parler sans support écrit et cela me paraît très compliqué. Donc pour vous parler de mon recueil de nouvelles pour qui cherche des histoires, je vais commencer par vous lire l'introduction que j'y ai mis. Des fictions. Des vies qui nous ressemblent et dont nous sommes si éloignés. Des histoires qu'il me faut ne plus taire, mais qui trouveraient mieux leur place en terre. Des sourires et des douleurs, la beauté et l'horreur se croisent et façonnent ces nouvelles. Des nouvelles qui ne sont pas toujours aussi bonnes d'ailleurs. Un essai philosophique qui se noie autour de quelques vers. Voilà ce que vous découvrirez en allant au bout de votre peine pour qui cherche des histoires. Seriez-vous d'accord de nous lire un petit extrait pour nous faire découvrir votre style ? Je vais donc vous lire un extrait d'une rencontre. Une nouvelle qui raconte ma rencontre avec la poésie. Dans ce passage, on arrive à la fin de l'explication de la poésie vue par mon prof. Et il continuait encore un peu sa tirade, nous expliquant que la poésie est avant tout un regard sur le monde, et que ceux qui écrivent sont doués d'une vision bien plus affinée que celle du commun. Il affirma que la poésie, c'était la vie, non la vie que l'on vit au jour le jour, mais la vie telle qu'elle est, avec ses douleurs, ses joies, ses fantasmes, ses espoirs, et aussi avec tout ce que l'on peut trouver laid dans ce monde. La poésie, finit-il, c'est l'art d'utiliser toutes les richesses du langage pour décrire, souvent de manière détournée, des portions de vie. Moi, de plus en plus circonspect, avec un rien de vexation, j'osais lui demander s'il était sérieux, et s'il croyait vraiment qu'une seule tête ou qu'un seul auteur pouvait penser à tout cela dans un texte ne pesant pas plus de 14 lignes. Claquant une fois sa langue contre ses dents avancées, il ravala sa salive et répondit avec cette assurance qui fut ma révélation. « Mais monsieur, vous ne comprenez décidément rien. Ce n'est pas une tête, ni même un auteur qui peut écrire de la poésie. C'est un art réservé aux poètes. Concernant le contenu que nous venons de découvrir à propos de cette œuvre, l'important n'est pas de savoir si l'auteur a pensé à tout cela en écrivant. L'important réside dans le fait que tout cela y est. Le poète n'est que le messager qui écrit des choses qui le dépassent. Pour prendre forme, la poésie a besoin d'une feuille de papier, d'encre, mais aussi d'une main tenant la plume qui imprime ce papier. Et n'oubliez jamais, quand vous lisez une poésie, ce n'est pas le poète qui vous parle, c'est le poème. Voilà donc pour cette première lecture. Je vais maintenant vous lire un tout petit extrait de La Mort, L'AMORT. Révélation. Je ne me souviens plus quel âge j'avais, mais je me souviens très bien l'avoir fait. La première fois que j'ai tué, c'était mon gentil canari jaune. Comme Sylvestre, j'avais pris une poêle à frire dans la cuisine de maman et j'ai écrasé mon titi avec. Seulement, à l'inverse de mon dessin animé préféré, la petite boule de plume jaune ne s'en est jamais relevée. Ma mère fut dans un premier temps assez choquée par l'acte que j'avais commis. Après lui avoir expliqué mon geste, elle se mit à rire tout en essayant de me faire comprendre que la vie réelle ne se passait pas comme à la télé et surtout, elle insista sur le fait que seul Dieu avait le pouvoir de décider de la mort de quelqu'un. C'était à lui de choisir qui des vivants pouvait avoir la joie de le rejoindre en son paradis. Dans ce même temps, je devais aussi préparer ma première communion. Le curé qui nous enseignait Dieu ne cessait de nous affirmer combien il était amour, combien il était bon et combien son mystère était impénétrable pour les hommes. Ce que ne savait pas le curé, c'était à quel point mon esprit vif était doté d'une intelligence remarquable. En l'espace de quelques secondes, ma révélation se fit évidence. Je compris le mystère de Dieu. Ma logique implacable guidera mes pas ainsi pour le reste de ma vie. Dieu seul est bon, il est amour et seul juge à pouvoir décider de la mort d'autrui afin de l'emporter avec lui en son paradis. Dieu tue donc par amour. Tuer est donc un acte d'amour. Aimer, c'est tuer. Alors, j'aimerai toute ma vie. Comment peut-on se procurer votre livre? C'est une très bonne question, car ceci va me permettre de vous expliquer la magie du site In Libro Veritas sur lequel je diffuse mes œuvres. Pour se procurer le livre, il faut aller sur le site inlibroveritas.net, chercher l'auteur Jost Vincent, puis sélectionner mon œuvre. Vous pourrez alors l'ajouter au panier ajouté à votre livre et soit vous arrêter là et obtenir ainsi seulement cette œuvre-là, ou alors vous promenez autour des autres œuvres et rajoutez ces œuvres à votre livre, et c'est là que la magie d'In Libro Veritas fera son œuvre. On vous fabriquera votre livre sur mesure, un seul livre comportant toutes les œuvres que vous aurez sélectionnées. Pour le moment, ce livre n'est disponible qu'ainsi, parce que je ne l'ai pas fait éditer à proprement dit, il n'est pas référencé et n'a pas de numéro ISBN. Pouvez-vous nous parler de vos autres textes? Je vais donc commencer par vous dire ce que j'écris de moi. Enfant du dernier quart du douloureux XXe siècle, j'ai grandi en accompagnant le boom technologique. Du vinyle au CD, du courrier au courriel, des classeurs au disque dur, ou du livre aux cultures électroniques, je croyais évoluer. Jeune, on m'a souvent reproché ma sale écriture, et finalement, c'est peut-être pour cela que j'écris encore aujourd'hui. En effet, pour compenser les apparences, je me suis attelé à m'occuper du sens. Trop réaliste pour pouvoir apprécier la nature humaine, je choisis pour exutoire de m'évader vers l'imaginaire. Et pour catalyseur, je choisissais l'écriture. Dans un premier temps, je me suis essayé à des textes comportant des rimes, puis vinrent Baudelaire, Ronsard, Senghor, l'amour et la poésie. Adulte du XXIe siècle, j'ai construit mon social et délaissé mes mots jusqu'à ce qu'ils se réveillent et me rappellent à eux. Un réveil que je dois en particulier à ma rencontre avec le site inlibroveritas.net et à tous les auteurs et lecteurs qui, de passage sur mes poèmes, m'ont élancé. Mon premier recueil, Source et jeux de mots, est le rassemblement des vieux poèmes retrouvés au hasard des cahiers, au hasard des souvenirs remontés au fond de ma mémoire. Le second, semblable, est un recueil un peu plus travaillé tout de même. Ce fut aussi et surtout l'œuvre d'un collectif, un collectif d'auteurs qui m'ont aidé et soutenu pour la réalisation de cette œuvre. Ces deux recueils sont disponibles à l'achat sur le site ilvedition.com. Et enfin, tout en tenant à vous remercier pour votre attention, laissez-moi terminer en vous disant à bientôt sur d'autres vers. Merci Jost Vincent d'avoir participé à notre émission. Je rappelle le titre de votre recueil de nouvelles. Pour qui cherche des histoires, disponible sur le www.inlibroveritas.net. Merci à tous et à demain. Musique, slow relaxation, Alban Le Psy, licence art libre.